Deuxième livre des Chroniques, chapitre 36. Alors le peuple du pays prit Jéhoachas fils de Josias, et on l'établira à Jérusalem en la place de son père. Jéhoachas était âgé de 23 ans quand il commença à régner, et il régna 3 mois à Jérusalem. Et le roi d'Égypte le déposa à Jérusalem, et condamna le pays à une amende de 100 talents d'argent, et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte établit pour roi sur Juda et sur Jérusalem Eliakim frère de Joachaz, et lui changea son nom, l'appelant Jéhoiakim, puis Nécho prit Jéhoiachas, frère de Jéhoiakim, et l'emmena en Égypte. Jéhoiakim était âgé de 25 ans quand il commença à régner, et il régna 11 ans à Jérusalem, et fit ce qui déplaît à l'Éternel son Dieu. Nebuchadnetsar roi de Babylone monta contre lui, et le lia de double chaîne d'airain pour le mener à Babylone. Nebuchadnetsar emporta aussi à Babylone des vaisseaux de la maison de l'Éternel, et les mit dans son temple à Babylone. Or le reste des faits de Jéhoiakim, et ses abominations, lesquelles il fit, et ce qui fut trouvé en lui, voilà ces choses sont écrites au livre des rois d'Israël et de Juda, et Jéhoiachin son fils régna en sa place. Jéhoiachin était âgé de 8 ans quand il commença à régner, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem, et il fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'année suivante le roi Nebuchadnetsar envoya, et le fit emmener à Babylone avec les vaisseaux précieux de la maison de l'Éternel, et établit pour roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécia son frère. Sédécia était âgé de 21 ans quand il commença à régner, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel son Dieu, et ne s'humilia point pour tout, ce que lui disait Jérémie le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Et même il se rebella contre le roi Nebuchadnetsar, qu'il avait fait jurer par le nom de Dieu, et il roidit son cou, et obstina son cœur pour ne retourner point à l'Éternel le Dieu d'Israël. Pareillement tous les principaux des sacrificateurs, et le peuple, continuèrement de plus en plus à pécher grièvement, selon toutes les abominations des nations, et souillèrent la maison que l'Éternel avait sanctifiée dans Jérusalem. Or l'Éternel le Dieu de leur père, les avait sommés par ses messagers, qu'il avait envoyés en toute diligence, parce qu'il était touché de compassion envers son peuple, et envers sa demeure. Mais il se moquait des messagers de Dieu, il méprisait ses paroles, et il traitait ses prophètes de séducteurs, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel s'alluma tellement contre son peuple, qu'il n'y eut plus de remède. C'est pourquoi il fit venir contre eux le roi des Chaldéens, qui tua leurs jeunes gens avec l'épée dans la maison de leur sanctuaire, et il ne fut point touché de compassion envers les jeunes hommes, ni envers les filles, ni envers les vieillards et décrépits, il les livra tous entre ses mains. Et il fit apporter à Babylone tous les vaisseaux de la maison de Dieu, grands et petits, et les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi, et ceux de ses principaux officiers. On brûla aussi la maison de Dieu, on démolit les murailles de Jérusalem, et on mit en feu tous ses palais, et on ruina tout ce qu'il y avait d'exquis. Puis le roi de Babylone transporta à Babylone tous ceux qui étaient échappés de l'épée, et ils lui furent esclaves, à lui et à ses fils, jusqu'au temps de la monarchie des Perses. Afin que la parole de l'Éternel, prononcée par Jérémie, fut accomplie, jusqu'à ce que la terre eût pris plaisir à ses sabbats, et durant tous les jours qu'elle demeura désolée, elle se reposa, pour accomplir les 70 années. Zéro la première année de Cyrus roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fût accomplie, l'Éternel excita l'esprit de Cyrus roi de Perse, qui fit publier dans tout son royaume, et même par lettre, en disant, « Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem. En Judée. Qui est-ce d'entre vous de tout son peuple qui s'y veuille employer, l'Éternel son Dieu soit avec lui, et qu'il monte. »